Chapitre 5. Puiser au livre de Bakoun. Nexipeus sont évidemment des vivants. Toutes leurs allures décèlent la volonté, le caprice, l'association, l'indépendance partielle qui fait distinguer l'être animal de la plante ou de la chose inerte. Quoique leur mode de progression ne puisse être défini par comparaison, c'est un simple glissement sur terre, il est aisé de voir qu'ils se dirigent à leur gré. On les voit s'arrêter brusquement, se tourner, s'élancer à la poursuite les uns des autres, se promener par deux, par trois, manifester des préférences qui leur feront quitter un compagnon pour aller au loin en rejoindre un autre. Ils n'ont point la faculté d'escalader les arbres, mais ils réussissent à tuer les oiseaux en les attirant par des moyens indécouvrables. On les voit souvent cerner des bêtes sylvestres ou les attendre derrière un buisson. Ils ne manquent jamais de les tuer et de les consumer ensuite. On peut poser comme règle qu'ils tuent tous les animaux indistinctement s'ils peuvent les atteindre, et cela sans motif apparent, car ils ne les consomment point, mais les réduisent simplement en cendres. Leur manière de consumer n'exige pas de bûcher. Le point incandescent qu'ils ont à leur base suffit à cette opération. Ils se réunissent à 10 ou à 20, en cercle, autour des gros animaux tués, et font converger leurs rayons sur la carcasse. Pour les petits animaux, les oiseaux par exemple, les rayons d'un seul Xipeus suffisent à l'incinération. Il faut remarquer que la chaleur qu'ils peuvent produire n'est point instantanément violente. J'ai souvent reçu sur la main le rayonnement d'un Xipeus, et la peau ne commençait à s'échauffer qu'après quelque temps. Je ne sais s'il faut dire que les Xipeus sont de différentes formes, car tous peuvent se transformer successivement en cônes, cylindres et strates, et cela en un seul jour. Leur couleur varie continuellement, ce que je crois devoir attribuer en général aux métamorphoses de la lumière depuis le matin jusqu'au soir et depuis le soir jusqu'au matin. Cependant, quelques variations de nuances paraissent dues aux caprices des individus et spécialement à leur passion, si je puis dire, et constituent ainsi de véritables expressions de physionomie dont j'ai été parfaitement impuissant malgré une étude ardente à déterminer les plus simples autrement que par hypothèse. Ainsi, jamais je n'ai pu distinguer une nuance colère d'une nuance douce, ce qui aurait été assurément la première découverte en ce genre. J'ai dit leurs passions. Précédemment, j'ai déjà remarqué leurs préférences, ce que je nommerais leurs amitiés. Ils ont leur haine aussi. Tel Xipeus s'éloigne constamment de tel autre et réciproquement. Leurs colères paraissent violentes. Ils s'entrechoquent avec des mouvements identiques à ceux qu'on observe lorsqu'ils attaquent les gros animaux ou les hommes, et ce sont même ces combats qui m'ont appris qu'ils n'étaient aucunement immortels, comme je me sentais d'abord disposé à le croire, car deux ou trois fois j'ai vu des Xipeus succomber dans ces rencontres, c'est-à-dire tomber, se condenser, se pétrifier. J'ai précieusement conservé quelques-uns de ces bizarres cadavres, et peut-être pourront-ils plus tard servir à découvrir la nature des Xipeus. Ce sont des cristaux jaunâtres, disposés irrégulièrement et striés de filets bleus. Note de bas de page. Le Kensington Museum à Londres et M. Dessau lui-même possèdent quelques débris minéraux en tout semblables à ceux décrits par Bakoun, que l'analyse chimique a été impuissante à décomposer et à combiner avec d'autres substances et qui ne peuvent en conséquence entrer dans aucune nomenclature des corps connus. Retour au texte. De ce que l'Exipéus n'était point immortel, j'ai dû déduire qu'il devait être possible de les combattre et de les vaincre, et j'ai depuis lors commencé la série d'expériences combattantes dont il sera parlé plus loin. Comme l'Exipéus rayonne toujours suffisamment pour être aperçu à travers les fourrés et même derrière les gros troncs, une grande auréole émane d'eux en tous sens et avertit de leur approche, j'ai pu me risquer souvent dans la forêt, me fiant à la vélocité de mon étalon. Là, j'ai tenté de découvrir s'ils se construisaient des abris, mais j'avoue avoir échoué en cette recherche. Ils ne meuvent ni les pierres ni les plantes et paraissent étrangers à toute espèce d'industrie tangible et visible, seule industrie appréciable à l'observation humaine. Ils n'ont conséquemment point d'armes, selon le sens par nous attribué à ce mot. Il est certain qu'ils ne peuvent tuer à distance. Tout animal qui a pu fuir sans subir le contact immédiat d'un Xipeus a infailliblement échappé, et de cela j'ai été maintes fois témoin. Comme l'avait fait déjà remarquer la malheureuse tribu de Piéou, ils ne peuvent franchir certaines barrières idéales. ainsi se limite leur action. Mais ces bornes se sont toujours accrues d'année en année, de mois en mois. J'ai dû en rechercher la cause. Or, cette cause ne semble être autre qu'un phénomène de croissance collective. Et comme la plupart des choses xipéuses, elle est incompréhensible pour l'intelligence de l'homme. Brièvement, voici la loi. Les limites de l'action xipéuse s'élargissent proportionnellement au nombre des individus. C'est-à-dire que dès qu'il y a procréation de nouveaux êtres, il y a aussi extension des frontières. Mais tant que le nombre reste invariable, tout individu est totalement incapable de franchir l'habitat attribué par la force des choses à l'ensemble de la race. Cette règle fait entrevoir une corrélation plus intime entre la masse et l'individu que la corrélation similaire remarquée parmi les hommes et les animaux. On a vu plus tard la réciproque de cette loi, car dès que les xipéuses ont commencé à diminuer, leurs frontières se sont proportionnellement rétrécies. Du phénomène de la procréation même, j'ai peu à dire, mais ce peu est caractéristique. D'abord, cette procréation se produit 4 fois l'an, un peu avant les équinoxes et les solstices, et seulement par les nuits très pures. Les xipéus se réunissent par groupes de 3, et ces groupes, peu à peu, finissent par n'en former qu'un seul, étroitement amalgamé et disposé en ellipse très longue. Ils restent ainsi toute la nuit et le matin jusqu'à l'élévation supérieure du soleil. Lorsqu'ils se séparent, on voit monter des formes vagues, vaporeuses et énormes. Ces formes se condensent lentement, se rapetissent, se transforment au bout de 10 jours en cônes ambrés, considérablement plus grands encore que les xipéus adultes. Il faut 2 mois et quelques jours pour qu'elles atteignent leur maximum de développement, c'est-à-dire de rétrécissement. Au bout de ce temps, elles deviennent semblables aux autres êtres de leur règne, de couleurs et de formes variables selon l'heure, le temps et le caprice individuel. Quelques jours après leur développement ou rétrécissement intégral, les frontières d'action s'élargissent. C'était, naturellement, un peu avant ce moment redoutable que je pressais les flancs de mon bon couat afin d'aller établir mon campement plus loin. Si les xipéus ont des sens, c'est ce qu'il n'est pas possible d'affirmer. Ils possèdent certainement des appareils qui leur en tiennent lieu. La facilité avec laquelle ils perçoivent à de grandes distances la présence des animaux, mais surtout celle de l'homme, annonce évidemment que leurs organes d'investigation valent au moins nos yeux. Je ne leur ai jamais vu confondre un végétal et un animal, même en des circonstances où j'aurais très bien pu commettre cette erreur, trompé par la lumière sous-branchiale, la couleur de l'objet, sa position. La circonstance de s'employer à 20 pour consumer un gros animal, alors qu'un seul s'occupe de la calcination d'un oiseau, prouve une entente correcte des proportions, et cette entente paraît plus parfaite si l'on observe qu'ils se mettent 10, 12, 15, toujours en raison de la grosseur relative de la carcasse. Un meilleur argument encore en faveur soit de l'existence d'organes analogues à nos sens, soit de leur intelligence, est la façon dont ils agirent en attaquant nos tribus, car ils s'attachèrent peu ou point aux femmes et aux enfants, tandis qu'ils pourchassaient impitoyablement les guerriers. Maintenant, question la plus importante, ont-ils un langage? Je puis répondre à ceci sans la moindre hésitation. Oui, ils ont un langage, et ce langage se compose de signes, parmi lesquels j'en ai pu même déchiffrer quelques-uns. Supposons par exemple qu'un xipéus veuille parler à un autre. Pour cela, il lui suffit de diriger les rayons de son étoile vers le compagnon, ce qui est toujours perçu instantanément. L'appeler, s'il marche, s'arrête, attend. Le parleur alors trace rapidement sur la surface même de son interlocuteur, et il n'importe de quel côté, une série de courts caractères lumineux, par un jeu de rayonnement toujours émanant de la base, et ces caractères restent un instant fixés, puis s'effacent. L'interlocuteur, après une courte pause, répond. Préliminairement à toute action de combat ou d'embuscade, j'ai toujours vu les xipéus employer les caractères suivants. Note de la lectrice. Ici, on voit un caractère composé d'une ligne droite coupée par 2 parenthèses tournées à l'envers. Retour au texte. Lorsqu'il était question de moi, et il en était souvent question, car ils ont tout fait pour nous exterminer, mon brave couat et moi, les signes suivants ont été invariablement échangés, parmi d'autres, comme le mot ou la phrase donnée ci-dessus. Note de la lectrice. Ici, un caractère composé d'un rectangle horizontal, suivi d'une ligne droite terminée d'une flèche et d'un V. Retour au texte. Le signe d'appel ordinaire était le suivant, et y faisait accourir l'individu qui le recevait. Note de la lectrice. Ici, un caractère ressemblant à une colline surmontée d'une falaise. Retour au texte. Lorsque l'Excipéus était invité à une réunion générale, je n'ai jamais failli à observer un signal de la forme suivante, représentant la triple apparence de ces êtres. Note de la lectrice. Ici, un caractère composé d'un V à l'envers, contenu dans un carré auquel est accolé un rectangle vertical. Retour au texte. Les Xipéus ont d'ailleurs des signes plus compliqués, se rapportant non plus à des actions similaires aux nôtres, mais à un ordre de choses complètement extraordinaire et dont je n'ai rien pu déchiffrer. On ne peut entretenir le moindre doute relativement à leur faculté d'échanger des idées d'un ordre abstrait, probablement équivalente aux idées humaines, car ils peuvent rester longtemps immobiles à ne faire autre chose que converser, ce qui annonce de véritables accumulations de pensées. Mon long séjour près d'eux avait fini, malgré les métamorphoses, dont les lois varient pour chacun, faiblement sans doute, mais avec des caractéristiques suffisantes pour un épieur opiniâtre, par me faire connaître plusieurs Xipéus d'une façon assez intime, par me révéler des particularités sur les différences individuelles, dirais-je sur les caractères. J'en ai connu de taciturnes, qui quasi jamais ne traçaient une parole, d'expansifs qui écrivaient de véritables discours, d'attentifs, de jaseurs qui parlaient ensemble, s'interrompaient les uns les autres. Il y en avait qui aimaient à se retirer, à vivre solitaire. D'autres recherchaient évidemment la société. Des féroces chassaient perpétuellement les fauves, les oiseaux, et des miséricordieux souvent épargnaient les animaux, les laissaient vivre en paix. Tout cela n'ouvre-t-il pas à l'imagination une gigantesque carrière? Ne porte-t-il pas à imaginer les diversités d'aptitudes, d'intelligence, de force, analogues à celles de la race humaine? Ils pratiquent l'éducation. Que de fois j'ai observé un vieux Xipéus assis au milieu de nombreux jeunes, leur rayonnant des signes que ceux-ci lui répétaient ensuite l'un après l'autre et qu'il leur faisait recommencer quand la répétition n'était imparfaite. Ces leçons étaient bien merveilleuses à mes yeux, et de tout ce qui concerne l'Excipéus, il n'est rien qui m'ait si souvent tenu attentif, rien qui m'ait plus préoccupé au soir d'insomnie. Il me semblait que c'était là, dans cette aube de la race, que le voile du mystère pouvait s'entr'ouvrir, là que quelque idée simple, primitive, jaillirait peut-être, éclairerait pour moi un recoin de ces profondes ténèbres. Non, rien ne m'a rebuté. J'ai, des années durant, assisté à cette éducation. J'ai essayé des interprétations innombrables. Que de fois j'ai cru y saisir, comme une fugitive lueur de la nature essentielle d'Excipéus, une lueur extrasensible, une pure abstraction, et que, hélas, mes pauvres facultés, noyées de chair, ne sont jamais parvenues à poursuivre. J'ai dit plus haut que j'avais cru longtemps l'Excipéus immortel. Cette croyance ayant été détruite à la vue des morts violentes qui suivirent quelques rencontres entre Xipéus, je fus naturellement amené à chercher leur point vulnérable et m'appliquer chaque jour, depuis lors, à trouver des moyens destructifs, car l'Excipéus croissait en nombre tellement qu'après avoir débordé la forêt de Xour au sud, au nord, à l'ouest, il commençait à empiéter sur les plaines du côté du Levant. Hélas, en peu de cycles, ils auraient dépossédé l'homme de sa demeure terrestre. Donc je m'armai d'une fronde, et dès qu'un Xipéus sortait de la forêt, à portée, je le visais et lui lançais ma pierre. Je n'obtins ainsi aucun résultat, quoique j'eusse atteint l'ensemble des individus visés à toutes les parties de leur surface, même au point lumineux. Ils paraissaient d'une insensibilité parfaite à mes atteintes, et nul d'entre eux ne s'est jamais détourné pour éviter un de mes projectiles. Après un mois d'essai, il fallut bien m'avouer que la fronde ne pouvait rien contre eux, et j'abandonnai cette arme. Je pris l'arc. Aux premières flèches que je lançai, je découvris chez les Xipéus un sentiment de crainte très vive, car ils se détournèrent, se tinrent hors de portée, et m'évitèrent tant qu'ils purent. Pendant 8 jours, je tentai vainement d'en atteindre un. Le 8e jour, un parti Xipéus, emporté je pense par son ardeur chasseresse, passa assez près de moi en poursuivant une belle gazelle. Je lançai précipitamment quelques flèches sans aucun effet apparent, et le parti se dispersa, moi les pourchassant et dépensant mes munitions. Je n'eus pas plus tôt tiré la dernière flèche que tous revinrent à grande vitesse de différents côtés, me cernèrent aux 3/4 et j'aurais perdu l'existence sans la prodigieuse vélocité du vaillant couate. Cette aventure me laissa plein d'incertitudes et d'espérances. Je passai toute la semaine inerte, perdu dans le vague et la profondeur de mes méditations, dans un problème excessivement passionnant, subtil, propre à faire fuir le sommeil, et qui, tout à la fois, m'emplissait de souffrance et de plaisir. Pourquoi l'Excipéus craignait-il mes flèches? Pourquoi, d'autre part, dans le grand nombre de projectiles dont j'avais atteint ceux de la chasse, aucun n'avait-il produit d'effet? Ce que je savais de l'intelligence de mes ennemis ne permettait pas l'hypothèse d'une terreur sans cause. Tout, au contraire, me forçait à supposer que la flèche, lancée dans des conditions particulières, devait être contre eux une arme redoutable. Mais quelles étaient ces conditions? Quel était le point vulnérable d'Excipéus? Et brusquement la pensée me vint que c'était l'étoile qu'il fallait atteindre. Une minute, j'en eus la certitude. Une certitude passionnée, aveugle. Puis le doute me saisit. De la fronde, plusieurs fois, n'avais-je pas visé, touché ce but? Pourquoi la flèche serait-elle plus heureuse que la pierre? Or, c'était la nuit, l'incommensurable abîme, ces lampes merveilleuses épandues par-dessus la terre. Et moi, la tête dans les mains, je rêvais, le cœur plus ténébreux que la nuit. Un lion se mit à rugir. Des chacals passèrent dans la plaine, et de nouveau la petite lumière d'espérance m'éclaira. Je venais de penser que le caillou de la fronde était relativement gros et l'étoile d'Excipéus si minuscule. Peut-être pour agir fallait-il aller profond, percer d'une pointe aiguë, et alors leur terreur devant la flèche s'expliquait. Cependant Véga tournait lentement sur le pôle. L'aube était proche et la lassitude, pour quelques heures, endormit dans mon crâne le monde de l'esprit. Les jours suivants, armé de l'arc, je fus constamment à la poursuite d'Excipéus, aussi loin dans leur enceinte que la sagesse le permettait. Mais tous évitèrent mon attaque, se tenant au loin, hors de portée. Il ne fallait pas songer à se mettre en embuscade, leur mode de perception leur permettant de constater ma présence à travers les obstacles. Vers la fin du cinquième jour, il se produisit un événement qui à lui seul prouverait que les Excipéus sont des êtres faillibles et à la fois perfectibles comme l'homme. Ce soir-là, au crépuscule, Excipéus s'approcha délibérément de moi, avec cette vitesse constamment accélérée qu'ils affectionnent pour l'attaque. Surpris, le cœur palpitant, je bandai mon arc. Lui, s'avançant toujours, pareil à une colonne de turquoise dans le soir naissant, arrivait presque à portée. Puis, comme je m'apprêtais à lancer ma flèche, je le vis avec stupéfaction se retourner, cacher son étoile, sans cesser de progresser vers moi. Je n'eus que le temps de mettre couate au galop, de me dérober à l'atteinte de ce redoutable adversaire. Or, cette simple manœuvre, à laquelle aucun Excipéus n'avait paru songer auparavant, outre qu'elle démontrait une fois de plus l'invention personnelle, l'individualité chez l'ennemi, suggérait deux idées. La première, c'est que j'avais chance d'avoir raisonné juste, relativement à la vulnérabilité de l'étoile Excipéus. La seconde, moins encourageante, c'est que la même tactique, si elle était adoptée par tous, allait rendre ma tâche extraordinairement ardue, peut-être impossible. Cependant, après avoir tant fait que d'arriver à connaître la vérité, je sentis grandir mon courage devant l'obstacle et j'osai espérer de mon esprit la subtilité nécessaire pour le renverser. Note de bas de page. Au chapitre suivant, où le mode est généralement narratif, je sers de près la traduction littérale de M. Dessau, sans pourtant m'astreindre à la fatigante division en versets, ni aux répétitions inutiles.